Chapitre 12. Est-ce que votre père ne vous a jamais parlé de moi ? Demanda le manchot. De vous ? Seriez-vous le beau-frère de mon oncle ? Moi, je serais Soriol ? Sans doute, la question était bien étrange, car elle provoqua chez le manchot une longue hilarité. Que vous me preniez pour Soriol ? Reprit-il enfin, lorsqu'il recourbait la parole. Soriol, si gros, si gras, tandis que moi, je suis si maigre, si chétif, si cocasse, car enfin, il n'y a pas à dire, je suis cocasse, avec ma jambe cassée et mon bras coupé. Voilà ce qui me fait rire. Non, ce que je vous demandais, c'était si votre père n'avait jamais prononcé devant vous le nom de Deniso. Le petit Deniso. Eh oui, le petit Deniso. Au temps où il a quitté Paris, j'étais le petit Deniso, c'est vrai. Tandis que maintenant, je suis le manchot. Ça rime, mais ce n'est pas la même chose. Enfin, il vous a parlé de moi. Je suis bien aise de savoir ça. S'il ne vous a pas dit que le petit Deniso était devenu le manchot, c'est qu'il ne l'a pas appris. Antoine est si cachotier. Comme le colonel avait fait un mouvement de surprise. Ne croyez pas, continua vivement Deniso, que ce que je dis là, c'est pour mal parler de votre oncle. Si quelqu'un pouvait mal parler de lui, ce ne serait toujours pas moi. Car si je suis encore de ce monde, c'est à lui que je le dois. Si j'ai du pain, si j'ai un lit, c'est à lui que je les dois. Et voilà précisément pourquoi il n'aura rien dit de moi à votre père. Tout simplement pour ne pas raconter ce qu'il avait fait. Voilà votre oncle. Quand il se tait, c'est qu'il a du mal à dire des gens ou du bien de lui. Vous travaillez avec lui ? Travaillez, moi ? Vous ne m'avez donc pas regardé ? Que vous m'adressez pareille question ? À quoi voulez-vous qu'on soit propre quand on a une jambe plus courte que l'autre ? Et qu'il vous manque un bras, le bon encore, le droit ? Ça commençait par la jambe, une balle, en 48. Heureusement, les mains me restaient. Et sans être un artiste comme Antoine, j'étais encore assez bon ouvrier pour gagner ma vie. Mais aux journées de décembre, c'est le bras droit qui est emporté par un boulet. Que faire quand j'étais guéri ? Mourir de faim. Il n'y a pas d'hôtel des Invalides où l'on reçoive ceux qui se battent pour leur idée. Il n'y a que Cayenne. C'est alors qu'Antoine m'a dit « Venez chez moi, mon pauvre Deniso ». J'y suis venu et depuis j'y suis resté. Mais pour travailler, ce qui s'appelle travailler de mon métier, non. Je fais ce que je peux, pas grand-chose, la cuisine, les commissions, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un boiteux et d'un manchot ? Puis se frappant le nez en riant, et d'un bavard, ajouta-t-il, car enfin, je suis là, à causer avec vous, au lieu de mettre mon souper sur le feu, excusez si je vous laisse seul. Mais il me semble que nous pouvons aussi bien causer dans la cuisine que dans l'atelier. Dit le colonel que ces détails sur son oncle l'intéressaient vivement. « Pour cela, bien sûr, c'est facile, si vous voulez. » Et ils passèrent dans la cuisine, dont la porte ouvrait sur l'atelier. Ceux qui ont eu l'occasion d'entrer dans les logements des ouvriers du faubourg Saint-Antoine savent ce que sont les cuisines de ces logements. Une cheminée de chambre dans laquelle est placé un petit fourneau en fonte ou en terre. Il n'en était point ainsi chez Antoine Chamberlain. La cuisine n'était point une chambre pleine de lits, mais une pièce dans laquelle on préparait et on mangeait le repas de la famille. Dans un coin, on voyait un poêle en fonte, dont le corps et les tuyaux étaient noircis à la mine de plomb. À côté, sur un buffet, des casseroles en fer étamées et en poterie. Sur les planches de ce buffet, des assiettes en faïence à fleurs et des verres en verre. Au milieu, une table en hêtre lavée à l'eau de savon. Dans l'angle opposé au poêle, un pupitre, et au-dessus, une petite étagère, sur les rayons de laquelle étaient rangées des brochures et une vingtaine de volumes dont le dos était fatigué et noirci. « Souvent, » dit le colonel, voulant reprendre l'entretien où il avait été interrompu, « mon père m'a parlé du bon cœur de son frère. »« Votre père vous a dit ce qu'il savait avant de quitter Paris, mais c'est depuis cette époque qu'il faut avoir vu Antoine pour le connaître. Il y a des gens qui soutiennent que plus on vieillit, plus on s'endurcit. Eh bien, Antoine, en vieillissant, est devenu encore meilleur. » Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'à moi qu'il a tendu la main. Nous sommes des centaines qui lui devons tout. Encore présentement, nous sommes trois ici, chez lui, comme si nous étions ses enfants. Trois. Tout en parlant, Deniso avait empli le poêle de charbon et il s'occupait à l'allumer, soufflant avec ses lèvres, car il lui aurait été impossible de manœuvrer un soufflet. Oui, trois, continua-t-il, moi, Soriol et Michel. Soriol, vous me direz que c'est le mari de la sœur de sa femme. Mais où en trouverez-vous des gens qui nourriront leur beau-frère pendant des années et des années ? Dans ce que je dis là, il n'y a rien contre Soriol. Il est vrai qu'il a été un temps où je lui en voulais de ne pas travailler. Mais à ce moment, les affaires allaient mal. Antoine ne gagnait pas grand-chose et on comptait les morceaux de pain à la maison. Depuis, j'ai compris qu'il avait des raisons pour rester enfermé dans sa dignité. Pour tout ce qui est de l'enfance de mon oncle Antoine et de sa jeunesse, je sais beaucoup de choses car mon père avait plaisir à en parler. Mais mon oncle n'était pas marié quand mon père a quitté la France et je ne sais presque rien de ce qui s'est passé depuis cette époque. Aussi, je ne comprends pas très bien que M. Sorieul ait des raisons de dignité pour ne pas travailler. Vous savez que Sorieul est un penseur, n'est-ce pas? Eh bien, comment voulez-vous qu'il écrive ce qu'il pense avec un gouvernement comme celui que nous avons? Quand on n'a pas la liberté de tout dire, on ne dit rien. C'est ce qu'il appelle montrer la dignité du silence. Ah, je comprends, n'est-ce pas? C'est là ce qui l'empêche d'écrire dans les journaux. Il serait obligé de faire des concessions et il n'en veut pas faire. Il est vrai qu'il y a des gens qui soutiennent que c'est simplement la paresse qui le tient. De même qu'autrefois il y en avait qui prétendaient, du temps de son mariage, que s'il avait épousé une ouvrière, lui un bourgeois, lui un monsieur, c'était pour se faire nourrir par elle. Mais tout ça c'est injuste. S'il a épousé une ouvrière, c'est que c'était son idée. Si maintenant il n'écrit pas, c'est que ce n'est pas son idée, voilà tout. Quant à être paresseux, un homme qui ne se couche jamais avant 1 heure du matin, non. Au reste, Antoine le comprend bien aussi, car jamais il ne lui adressait la plus petite observation. Vous me direz, c'est son beau-frère. Bon, mais Michel? Qu'est-ce que c'est, Michel? C'est un enfant qu'Antoine a adopté. La mère avait été enlevée à Lambessa. L'enfant restait tout seul sur le pavé de Paris. Antoine l'a pris avec lui, comme il m'avait pris moi-même, et voilà comment nous sommes trois de plus autour de la table. Est-ce que le jeune Michel, car il est jeune, n'est-ce pas? 24 ans. Est-ce que le jeune Michel a aussi des raisons pour ne pas travailler? Ah non, par exemple. Allez à l'exposition et vous verrez les sculptures d'une bibliothèque qui vous diront si Antoine a su faire de Michel un vrai artiste et un bon ouvrier. Ce que je vous raconte là, je voudrais le raconter à tout le monde, parce que ça prouve qu'il y a une justice dans les choses, que quand on fait le bien, c'est le bien qui vous vient, tandis que quand on fait le mal, c'est le mal. Ainsi, qu'est-ce qui est arrivé avec Michel? C'est que le pauvre enfant abandonné est devenu le meilleur sculpteur de tout le faubourg, et que si aujourd'hui Antoine peut s'occuper de toutes ses commissions ouvrières, de ses fondations de société et de tout le reste, c'est parce qu'il a Michel avec lui. Ils travaillent ensemble. Michel n'a jamais voulu nous quitter, et ne nous quittera pas. Il ne serait pas un homme s'il faisait ça. Vous voyez donc qu'Antoine n'a pas à se plaindre d'avoir tendu la main à Michel. C'est la même chose pour Sorieul. Si Sorieul n'avait pas été à la maison, qu'auraient fait les enfants, Anatole et Thérèse? Ils auraient été aux écoles, tout simplement. Tandis que Sorieul s'est occupé d'eux, il les a instruits. Et tout ce qu'il sait, ou plus justement tout ce qu'il devait apprendre, il leur a enseigné. Vous me direz qu'avec Anatole, ça n'a servi à rien. Il ne l'a pas empêché de mal tourner. Anatole. Vous ne savez pas que depuis 2 ans, il a quitté la maison? Eh bien, retenez-le pour ne pas en parler au père. C'est son grand chagrin. C'est notre chagrin à tous. Mais enfin, qu'a-t-il fait? Il ne veut rien faire, justement. Voilà le mal. S'il avait voulu, il aurait été l'égal de Michel. Mais le métier l'a ennuyé. Il n'a pas voulu rester ouvrier. Il a voulu être artiste. Il n'a rien été du tout. Où est-il? Ici, à Paris. Il vit avec des femmes, des comédiennes, des cocottes, comme il dit. Et comme c'est le plus beau garçon qu'on puisse voir, il n'en manque pas. Mais si Sorieul n'a pas réussi avec Anatole, vous verrez tout à l'heure ce qu'il a fait de notre Thérèse. Il est vrai que le frère et la sœur, ce n'est pas la même nature. Mais enfin, si Thérèse n'avait pas eu son oncle, elle ne serait pas devenue toute seule ce qu'elle est aujourd'hui, une perfection. Au reste, je n'ai pas à vous en parler. Vous allez la voir, et si par malheur, vous pouvez être honteux de votre cousin, vous ne pourrez qu'être fier de votre cousine. Le feu bien allumé commençait à ronfler et Denisot avait placé sur la plaque une poêle dans laquelle il avait disposé des tranches de foie. Tout à coup, en cherchant dans le buffet, il se frappa le nez d'un coup de poing, ce qui était son geste habituel. « Allons bon, » s'écria-t-il. « Voilà que j'ai oublié la grillade de Sorieul. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne plaisante pas là-dessus. Bien que gros et gras, il a l'estomac délicat. Notre nourriture lui fait mal, elle l'empêche de penser. Il lui faut des côtelettes, des grillades, du vin cacheté. Ça se comprend, n'est-ce pas? C'est un monsieur. Je vais lui chercher sa grillade. » Voulez-vous, pendant ce temps-là, me surveiller mon foie? Si vous voyez qu'il brûle, tournez-le tout bêtement à la fourchette, sans essayer de le sauter. Il sortit en se hâtant. Dans l'escalier, on entendit son pas inégal. Que dit Gaston de Pompéran, l'homme correct, s'il avait vu son ami, qu'il voulait marier à l'une des 30 jeunes filles qui sont à la tête du monde européen, enfermé dans une cuisine du faubourg Saint-Antoine, et suivant attentivement, la fourchette à la main, la cuisson d'un morceau de foie. Quelle curieuse indiscrétion pour Méline le reporter, s'il avait su quel personnage jouait en ce moment le propriétaire des mines de pétrole de la Pennsylvanie. Comme le colonel riait à cette idée, il entendit un grand bruit de pas et de voix dans l'escalier. C'était son oncle qui rentrait. C'était Thérèse.